doigts sur son bout de bois, brisé son bois sur le bout de doigt. Empincé, pour ses cordes, jusqu'à ce que parfois ça casse. Lissé nos mains sur son manche lisse, y laissé nos empreintes dedans. À force de crampes, à force de sueur, à force de ne plus compter les heures. Quand la guitare nous prend par la main, on s'en va loin, vers d'autres chemins. User les doigts sur son bout de bois, user son bois sur nos bouts de doigts, s'accorder avec elle, c'est pas toujours facile. Même qu'il arrive quelquefois que ce soit elle qui se joue de nous, il y a des jours pour la supporter, il faut avoir les nerfs, patience. Mais quand la guitare nous prend par la main, on s'en va loin, vers d'autres chemins. S'user les doigts sur son bout de bois, user son bois sur nos bouts de doigts, caresser son âme douce, vibrer dans un même unisson, jusqu'à tant que la musique nous entraîne dans ce rythme sorcier. Pour faire chavirer nos têtes, nous décoller les pieds de la terre. Quand la guitare nous prend par la main, on s'en va loin vers d'autres chemins.